décroche mon appel, j'ai des projets, ma chérie, y'a personne chez toi. T'as tout ce que j'aime, la tenue que j'adore, j'irai doucement cette fois. Bébé, donne-moi encore, encore de l'amour, vas-y, j'aime comme ça. Tu sais, je suis capable, si tu veux du sol, donne-moi juste ton corps. Jamais de tchao, ma chérie, toujours dans ton cœur comme au début. Ce soir, c'est sûr, on est sérieux, personne veut gâcher tous nos délires. Dans cette position-là, je suis sensible, vas-y, doucement, je peux pas. Je voudrais que je te dise que ça ira mieux. Vas-y doucement, je peux pas. Tu veux le paradis et le septième ciel. Vas-y doucement, je peux pas. Coller serré, c'est de mieux en mieux. Vas-y doucement, je peux pas. Vas-y doucement, je peux pas. Laisse-moi, je me prépare. J'aime ta cambrure, tu m'attires, je le nie pas. Et quand j'ai mal, ton amour est médical. J'aime ton charisme, je te contemple sous mes dits. T'es ma gaussure, t'es mon dossier, t'es ma mousseau, t'es mon sang. Je paye la rançon, trop d'émotions. Sincère, pas de rancœur, tu m'aimes aussi. Moi je t'aime sans dépenser. Jamais de tchao, ma chérie. Toujours dans ton cœur comme au début. Ce soir c'est sûr, on est sérieux. Personne veut gâcher tous nos délires. Dans cette position-là, je suis sensible.